ravie de vous retrouver dans cette grande édition de la mi-journée de ce vendredi 5 juin 2020, dont voici l'essentiel des titres. La cour d'appel de Nahangwa vient de maintenir le verdict du premier juge dans l'affaire des 4 journalistes d'Iwachu. Ils restent en prison. Le 5 juin de chaque année, c'est la journée mondiale de l'environnement. La population burundaise est appelée à multiplier d'efforts en procédant au reboisement. C'est un appel lancé par l'organisation séprodilique ADEP, qui, de son côté, compte planter plus de 1000 plants d'arbres dans différentes communes du pays. Vous l'entendrez dans ce journal. Et en page agriculture, ce sont les cultivateurs de riz de Mubone qui lancent un cri d'alarme que si rien n'est fait dans l'immédiat, dans la réhabilitation du barrage rizicole situé sur la rivière Gikoma qui s'est effondré, qu'il n'y aura pas de bonne récolte de riz. Charles Makoto a rencontré ses riziculteurs. Il nous fera son reportage. Voilà pour la charpente de cette édition, mise en onde par Eric Ouimana. Et à la présentation, Raissa Liliane Inamahoro, bonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Débutons ce journal par cette page environnement. La population est appelée à multiplier les efforts en plantant des arbres pour la bonne protection de l'environnement. L'organisation séprodilique ADEP, à travers son programme de protection de l'environnement qui fait cet appel, prévoit planter cette année plus de 1000 plants d'arbres dans différentes communes et invite toute personne à éviter de couper les arbres dans leur milieu de résidence. Emmanuel Irumva, directeur général de cette organisation, l'a dit au moment où le 5 juin, le monde s'est célèbre la journée de la protection de l'environnement. Suivez-le au micro de Jean-Marie Mayonga. Cette journée mondiale pour la protection de l'environnement, c'est une journée inoubliable pour nous, comme le programme ADEP le stipule dans ses papiers. C'est la protection de l'environnement, le séprodilique ADEP. Et maintenant, on pourrait voir comment multiplier dans des pépinières des arbres de différentes sortes, des arbres fruitiers, des arbres comme les nîmes qui vivent avec les champs. Et nous voudrions faire un appel aux autres qui nous écoutent pour le moment de bien différencier les déchets non biodégradables et les déchets biodégradables. Car si nous ne protégeons pas l'environnement, ça va faire des catastrophes d'ici peu. On passe directement à l'appel à tout le monde parce que, comme vous le savez, si je coupe cet arbre-là et je ne plante pas deux arbres directement, parce que maintenant, il y a beaucoup de chaleur, mais si tu as déjà un arbre chez toi, tu vois directement qu'il y a un peu d'air frais. Et c'est même aujourd'hui que ce thème de cette journée, It's time for nature, c'est le temps de la nature. Et toujours en page environnement, plus de 50 hectares situés à Gatakwa qui servaient les récoltes du riz et du maïs en commune et province Rumonge ont été inondés suite à la montée des eaux du lac Tanganyika. Abel Ndaishimi est directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage dans cette province, déplore la perte enregistrée. C'était lors d'une descente du ministère ayant l'environnement dans ses attributions sur le littoral du lac. Déo Guide Rurema rappelle au strict respect de la loi et invite tout un chacun à contribuer pour la protection de l'environnement. Le point avec Ezekiel Ndikungenayo. Malgré le strict respect des zones tempo et humides, c'est-à-dire une distance de 150 mètres du lac, des cultures rizicoles ont été endommagées suite aux eaux du lac Tanganyika ayant envahi les champs de riz et du maïs à Gatakwa. Dans cette même localité, une cinquantaine d'hectares restent inexploités, comme l'explique Abel Ndaishimiye, directeur du bureau de l'environnement, agriculture et élevage de la province Rumonge. Si nous comparons la distance entre les bords du lac avant et après les inondations, elle est d'environ 5 km. Vous comprenez que plusieurs plantations ont été ravagées. Et cette marée était vaste et pourvoyait non seulement pour la province, mais aussi pour tout le pays une bonne récolte. On y récoltait différentes cultures, notamment le riz, les tomates et le maïs. Vous voyez, l'eau aujourd'hui occupe tout cet espace. On n'y cultive plus rien. Et les cultures qui s'y trouvaient ont été toutes noyées par ces eaux. De tels dégâts s'observent aussi en commune Nyanzalake dans la province Makamba. Des infrastructures publiques et privées, y compris le marché moderne, complètement détruit par les eaux du lac Tanganyika. Simon Bihende, chef de colline Rubindi, avance que ces constructions anarchiques sont liées à la guerre qui a touché cette localité dans le passé. 47 personnes en tout ont été contraintes de quitter cet endroit. De toutes ces années, l'eau avait reculé et déjà occupé l'espace libéré et y construisait des maisons. Plusieurs étaient venus ici avec la crise de 1993 et se sont installés en aval de la route et on y a érigé un site de déplacés. Ceux qui sont venus de tout pleu commencent à retourner dans leurs anciennes terres. Au cours de cette descente, le ministre Deogui Derulema, ayant l'environnement dans ses attributions, rappelle à la population et les administratifs que la meilleure façon de lutter contre ces dégâts est le respect de la loi. La descente du ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage concerne la mairie de Bujumbura ainsi que les provinces Bujumbura, Lumonge et Makamba se trouvant sur le littoral du lac Tanganyika. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons ce journal par cette actualité en bref, en page justice. La cour d'appel de Nahangwa a retenu la sentence du premier juge dans l'affaire des quatre journalistes du groupe de presse Iwachu. Le tribunal de grande instance de Bujumbura les a condamnés à 2 ans d'emprisonnement et une amende d'1 million de francs burundais chacun. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Egide Harerimana et Terence Mozenzi ont été arrêtés le 22 octobre 2019, alors qu'ils étaient en reportage dans la commune Musigati de la province Bubanza. Ce jour-là, un groupe d'hommes armés avait attaqué certaines localités de cette commune. Les responsables du groupe de Presiwachu indiquent qu'ils vont saisir aussi la Cour suprême. Comparution de nouveau des 14 élèves de l'école technique secondaire ce vendredi devant le parquet près le tribunal de grande instance de Nahangwa. Ces élèves sont accusés d'avoir démoli les locaux où était conservé le matériel électoral au bureau de vote qui était situé à cette école et aussi d'avoir volé certains de ce matériel électoral. Ce jeudi, ils avaient aussi été interrogés puis reconduits au cachet. À 13h passées de 2 minutes, l'actualité nous conduit en province. Le sucre est toujours en produit rare dans différentes communes de la province Mwaro. Son prix par kilo varie entre 2500 et 3500 francs dans différentes communes de cette province. C'est selon les responsables administratifs de ces communes. Le gouverneur de la province Mwaro, Jean-Marie Nyakaregwa, demande à tous les vendeurs du sucre de mettre devant leur boutique une pancarte précisant le prix auquel ils vendent ce produit. Laurent Dicoulio, correspondance. Au cours d'une réunion tenue par le gouverneur de la province de Mwaro avec les administrateurs communaux, les représentants du secteur de la justice, de la police et les commerçants grossistes de sucre, le gouverneur de cette province, Jean-Marie Nyakaregwa, a précisé qu'il n'est pas compréhensible que le sucre continue à être rare alors que des grossistes connus continuent à amener ce produit à partir de la Sosumo. D'après les responsables administratifs dans les communes de la province de Mwaro, son prix au kilo varie entre 2500 francs et 3500 francs. Dans certaines localités, le sucre est introuvable. Dans d'autres, dès que ce produit arrive chez les détaillants, il est vite vidé des stocks, si bien que la quantité amenée ne peut pas couvrir tout un mois. En commune Gisozi, par exemple, l'administrateur de cette commune, Hilde Ndayiwundi, demande aux commerçants grossistes du sucre d'informer l'administration quand ils amènent ce produit afin de surveiller sa vente dans différents coins. Le gouverneur de la province de Mwaro, Jamaï Nyakaregwa, indique qu'en principe, aucun commerçant grossiste de sucre n'a le droit de le vendre au détail. Afin de surveiller la vente de ce produit, une action synergique entre toutes les catégories concernées doit être envisagée pour que le prix légal de 2500 francs soit respecté. Aussi, tout commerçant qui dépasse son prix légal devra payer une amende ou sera rayé de la liste des vendeurs de ce produit. En province Mwaro, 17 commerçants grossistes sont chargés d'amener ce produit à partir de la Sosumo. De Mwaro, Laurent Dicoury, Radio Sanganiro. Quittons Mngaro, rendons-nous au nord du pays, en province Kirundo, où la population est demandée à rester très vigilante dans la lutte contre la propagation du Covid-19. C'est l'appel du médecin directeur de la province sanitaire de Kirundo, après avoir remarqué un relâchement de cette dernière. Docteur Louis Nzitunga signale que des gens continuent à se saluer, s'embrasser, ce qui facilite la propagation de cette maladie. Abraham Safari. Le virus de COVID-19 est toujours une évidence, même si certains commencent le relâchement des mesures de lutte contre la propagation de cette pandémie. Cela est dit par le médecin provincial de la santé, Dr. Louis Nzitunga, où il signale que l'habitude de se saluer en se serrant les mains, en s'embrassant et en se donnant des coups de baiser se remarque ces jours-ci au centre urbain de Kirundo, ce qui peut faciliter la propagation de ce virus. Dr. Louis Nzitunga fait savoir également que, même si en province de Kirundo, il n'y a aucun cas de COVID-19, le ministère ayant la santé dans ses attributions a déjà parlé de plus de 60 cas sur toute l'échelle nationale. Il poursuit en disant que la plupart des gens ne se lavent les mains avant d'entrer dans les lieux publics. Vous saurez que dans certains dispositifs de lavage, si l'eau s'épuise, les gens n'y mettent pas encore de l'eau ou bien ils font la dilution de l'eau savonneuse ou encore si des savons terminent, ils n'y mettent pas d'autres. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isangani. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le ministère des Transports, des Travaux publics, de l'Équipement et de l'Aménagement du territoire du Burundi indique qu'il est en consultation avec différentes compagnies aériennes pour une reprise éventuelle du trafic aérien à l'aéroport international Melchior Ndadaye. C'est au moment où plusieurs de ces compagnies aériennes ont annoncé la réouverture prochaine des activités de transport sur plusieurs lignes qu'elles avaient suspendues en raison de la pandémie du COVID-19. L'ingénieur Jean Bosco Nunzgenimana, ministre des Transports, annonce toutefois que la décision officielle d'autorisation des vols aller-retour au Burundi doit être prise au haut niveau. En page agriculture, je vous le disais en titre, les riziculteurs du secteur de Mubone qui exploitent les terres de la Société régionale de développement de Limbo, SRDI en sigle, indiquent que si le barrage rizicole qui s'est effondré n'est pas réhabilité, il n'y aura pas de récolte. Et cela avec comme conséquence l'incapacité de remboursement à la SRDI. Ce barrage qui s'est effondré est situé sur le pont de la rivière Gikoma, sur la RN9. À la SRDI, on indique être au courant de la situation, mais que les travaux à ce barrage dépassent les capacités de la société, mais que les mesures intermédiaires ont été prises pour pallier à ce défi. On me fait signe que l'élément n'est pas encore disponible. On pourra y revenir dans nos éditions ultérieures. Et ainsi prend fin ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à Eric Ouimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Raissa Liliane et Ina Mahoro. Très bon après-midi à tous. Au revoir.